salaud. La pique au bon chemin. Qui voudrait que je stoppe, mais non, pour représenter mes frères et sœurs. Mec, je reste hip hop, sinon quoi toi? Quoi toi? Tous mes gens de là-bas et de Liège le savent. L'exhaleur, j'ai Rolex. Hip hop, royaume, home, sweet home. Pour dire, j'ai combattu même avec des hématomes. Hip hop, royaume, home, sweet home. Alors qu'il est, jamais trahi, jamais failli malgré l'envie. Je reste moi-même et j'écris toujours pour les mêmes. Les autres, avec le temps, l'argent les avait changé d'humeur. Le temps passe aussi vite sous les aiguilles d'une Rolex. Exhaleur, alors qu'il est. Je n'arrive pas à m'arrêter, j'ai la plume insomniaque. Pour représenter mes frères et sœurs. Mec, je reste plus froid. Pour l'amour du rap, pour l'amour du mic, j'ai préféré être dans les bacs. La fine équipe. Pour l'amour du rap, pour l'amour du mic, j'ai préféré être dans les bacs que sur les bancs de la fac. Parole, c'est difficile de le faire taire, je le laisserai parler tant que le temps ne viendra pas l'arrêter. Quand le cœur prend la parole, c'est difficile de le faire taire, je le laisserai parler tant que le temps ne viendra pas l'arrêter.